Le roi de Thulé, par Wolfgang Goethe, traduction de Gérard de Nerval. Enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. Le roi de Thulé. Il était un roi de Thulé à qui son amante fidèle légua, comme souvenir d'elle, une coupe d'or ciselée. C'était un trésor plein de charme où son amour se conservait. À chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. Voyant ses derniers jours venir, il divisa son héritage, mais il accepta du partage la coupe, son cher souvenir. Il fit à la table royale asseoir les barons dans sa tour, debout et rangé à l'entour brillait sa noblesse loyale. Sous le balcon grondait la mer. Le vieux roi se lève en silence, il boit, frissonne, et sa main lance la coupe d'or au flot amer. Il la vit tourner dans l'eau noire, la vague en s'ouvrant fit un pli. Le roi pencha son front pâli. Jamais on ne le vit plus boire. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.